défilé des visages. Je vois passer des regrets, autant de rêves qui sont de passage, que j'ai laissé en marge quand j'aurais dû rêver. Marquer des pages sans être satisfait.